Chapitre 31e, le verdict. Le jugement de cette affaire sensationnelle suivit donc son cours normal. On fit comparaître quantité de témoins, parmi lesquels tous ceux qui jouent un rôle dans ce récit. Le père Porfilet, les Dalmet, le sergent Jacques Dalmet surtout, qui lui fut le héros sympathique de ce drame, l'aubergiste Dambelle, le jeune cousin du sergent, et d'autres qu'il est inutile de nommer. Il faut reconnaître que parmi toutes ces déclarations, parmi tous les témoignages qu'on apporta à la cour d'assises, pas une voix ne s'éleva qui fût contre celui qu'on accusait, contre le père Gerbet. Tout le monde le tint pour un honnête homme ayant la manie de la chasse. C'était un braconnier, mais un honnête homme, qui jouissait dans la région de Mantes de la sympathie générale. Les gardes eux-mêmes, Martin et Lagoulet, déclarèrent que si leur fonction les forçait à regarder Gerbet comme un malfaiteur qu'ils devaient pourchasser et prendre, il le considérait, en dehors du braconnage, comme un homme à qui rien ne pouvait être reproché. La déposition du médecin fut capitale. Elle devait être accablante pour Gerbet. Le docteur Lebel déclara en effet que la victime, on ne disait plus le comte à présent, avait été frappée par une balle de petit calibre, balle de revolver ou chevrotine. Il avait été impossible d'établir ce point, car à l'autopsie, la balle ayant traversé le corps de part en part ne fut pas retrouvée. Les gardes ayant affirmé n'avoir entendu que le coup de fusil du père Gerbet, il fallait admettre que c'était une chevrotine qui avait occasionné la blessure mortelle. Quand le docteur eut fini sa déposition, maître Thirion, défenseur de l'accusé, demanda au président l'autorisation de poser une seule question au témoin. Maître Thirion demanda. Le docteur Lebel a trouvé sur la blessure un double pansement provisoire, hâtivement fait. Deux mouchoirs, en effet, un blanc, un carreau jaune, bien. Le docteur Lebel peut-il nous dire quel est celui de ces deux mouchoirs qui touchait la plaie, celui en somme qui servit au premier pansement, le jaune, merci bien. Se tournant vers les jurés, le jeune avocat s'écria « Messieurs, je prends acte. C'est le mouchoir à carreaux jaunes qui était le premier, qui touchait la plaie, celui qu'on employa pour tenter d'arrêter le sang, pour atténuer l'effet de la blessure, pour sauver enfin le blessé. » Le ministère public prit enfin la parole quand tous les témoins eurent défilé. Un braconnier devait, selon lui, fatalement devenir un assassin. L'opinion des gens du pays ne pouvait tenir devant les faits précis, les déclarations contre les preuves. Or la preuve était accablante, écrasante. Gerbet, toute sa vie, fut en guerre contre les lois, qui mérita sans cesse d'être condamné, devait l'être enfin cette fois. Gerbet, ce malfaiteur, était devenu un assassin. La peine capitale seule pouvait lui faire expier son forfait. À vrai dire, l'organe du ministère public remplit consciencieusement sa tâche, mais il sentait déjà que la peine capitale lui échappait. La cour l'écoutait, mais le public et les membres du jury même ne le suivaient qu'avec réserve. Le terrain était tout préparé, quand le président dit à maître Thirion qu'il avait la parole. Le braconnier, au cours de son interrogatoire, ne refusa pas, à proprement parler, de répondre aux questions des magistrats, mais ne répondit que brièvement, par monosyllabes, comme un homme que toutes ces questions importunent et qui se désintéresse de tout cela. Ce fut un des points sur lesquels insista le ministère public. « Qui ne dit mot pour sa défense, s'écria-t-il, ne peut se défendre et se reconnaît coupable. » Maître Thirion, au contraire, trouva dans ce silence un argument pour la défense. « Ceux qui parlent beaucoup, dit-il, et cherchent longuement, malgré tout, à prouver leur innocence, sentent le besoin de faire croire qu'ils ne sont pas coupables. » Mais Gerbet n'a pas besoin de t'en parler, de plaider lui-même sa cause. Devant vous, messieurs, sont venus des témoins, et dans ces témoins, Gerbet n'a trouvé que des défenseurs, à ce point qu'ici, si je prends la parole, ce n'est nullement dans l'intention de vous montrer blanc à un homme qui serait noir, mais seulement votre certitude de l'innocence de cet homme étant acquise pour l'établir devant vous juridiquement. Maître Thirion rendit hommage au grand art du ministère public, le déclara extrêmement fort, infiniment habile, d'avoir su, grâce à son remarquable talent, prononcer un tel acte d'accusation alors que l'innocence était flagrante. « Le ministère public, dit-il, vous aurait fait croire que Gerbet était coupable, si cela était possible, mais il a oublié seulement de vous dire pourquoi Gerbet aurait commis ce crime odieux, dans quel but. Un axiome incontesté a été négligé. Celui qui a commis le crime est celui qui en tire profit. Or Gerbet ne pouvait rien tirer de cet assassinat. Maître Thirion démontra que Gerbet n'avait aucun besoin, qu'il gagnait largement de quoi satisfaire à sa vie d'homme des bois, et que jamais il n'avait été poussé à tuer un homme pour le dévaliser. Alors Maître Thirion s'écria. « Maintenant, messieurs, que vous voyez que Gerbet n'avait aucune raison pour tuer cet homme, je vais vous démontrer que Gervais, loin d'avoir tué le passant nocturne, l'a au contraire fait vivre quelques heures de plus. Vous venez d'entendre le docteur Lebel vous dire que c'est grâce au premier pansement effectué que le blessé a pu respirer quelque temps après avoir été frappé, que c'est l'application prompte du mouchoir à carreaux jaunes qui a retenu le sang dans la poitrine trouée, qui a empêché la vie de s'en aller aussitôt. Messieurs, le mouchoir à carreaux jaunes appartient à Gervais. Ces déclarations produisirent une forte sensation. Maître Thirion sentit qu'il gagnait la partie. Il poursuivit. Jamais, messieurs, nous n'avons vu, dans les annales du crime, l'assassin secourir ensuite sa victime. Or Gervais soigna celui qui était blessé. Ce n'est donc pas lui qui l'a assassiné. La salle fit entendre un murmure d'approbation. Maintenant, messieurs, reprit Maître Thirion, j'arrive à un point sur lequel le ministère public a fortement insisté, croyant que nous n'avions rien à répondre. On a trouvé sur Gervais le portefeuille, des documents, des billets de banque. C'est exact, rien de plus vrai. Mais précisément, c'est la preuve de l'innocence de Gervais. J'ai arraché à l'accusé l'aveu que le blessé, se sentant atteint dangereusement, a voulu que ses papiers fussent sauvés. Gervais, après l'avoir pensé, a essayé de l'emporter à la tilleuse. C'était une tentative irréalisable. Le blessé alors lui dit « Laissez-moi là ! Courez à la tilleuse, cherchez du secours, mais emportez ces papiers, mes assassins peuvent revenir et me les prendre !» Gervais courait à la tilleuse, il le dit aux gardes, quand ceux-ci le saisirent. Or jamais, un assassin ne va chercher les amis, les parents de la victime, jamais. Maître Thirion parla encore et ne laissa aucun point de l'accusation sans le réfuter. Il termina sa magnifique plaidoirie par une déclaration qui produisit également grand effet. « Messieurs, dit-il, l'enquête faite par l'honorable et digne juge d'instruction M. Duranton, à qui vous avez ici, tout à l'heure, rendu un public et précieux hommage d'admiration, de grande estime, l'enquête faite par M. Duranton concluait un non-lieu en faveur de Gervais. On aurait pu renvoyer indemne ce brave homme à ses bois, sa forêt, mais la chambre des mises en accusation a retenu l'affaire. Elle a voulu qu'un jugement fût rendu. Pourquoi, messieurs? Pourquoi? Parce que, certaine de votre arrêt, elle a voulu que cet homme n'eût pas seulement le bénéfice d'un vulgaire non-lieu, mais fût réhabilité par un juste et retentissant acquittement. C'est-à-dire que votre arrêt devra signifier « Gervais est innocent et la justice, tôt ou tard, saisira celui qui a commis ce crime odieux. » De sa voix vibrante, Maître Thirion ajouta « La justice a proclamé l'innocent du braconnier qui a secouru la victime. Elle saura punir celui qui a frappé. En rendant la liberté à Gervais, vous donnez à entendre aux criminels qui comptent sur un arrêt frappant cet innocent que la justice n'est pas aveugle, qu'elle a conscience de sa mission divine. Et il comprendra, cet assassin, si fort qu'il soit, si habile qu'il se croit à se cacher maintenant, à nous échapper, que malgré les preuves d'une apparence accablante, vous avez reconnu l'innocence et que malgré toute son habileté, toute sa hardiesse, la punition atteindra fatalement celui qui mérite votre terrible et juste sentence. L'heure du châtiment viendra malgré tout pour le coupable, comme va sonner ici pour Gervais, l'heure de la liberté. » Quand le jeune avocat eut fini de parler, la salle fit entendre un long et cordial murmure d'approbation. Gervais se pencha vers son défenseur. Il lui prit les mains et les serra fortement. « Merci, » dit-il très ému, « merci. Mais à quoi bon, ma liberté ?» Le bon juge Duranton, qui avait entendu la plaidoirie de son jeune cousin, le complimenta chaleureusement. Parmi ceux qui vinrent féliciter le brillant orateur, en premier accourut le comte de Saint-Rion. « Vous avez plaidé comme un grand maître, » lui dit-il, « et vous m'envoyez tout ému, ravi. »« Je vous en remercie, monsieur, » fit l'avocat. Le comte de Saint-Rion reprit. « Ce brave homme vous devra la vie sûrement, et peut-être la liberté. Votre plaidoirie a produit un effet merveilleux. »« Oui, » répondit le jeune maître, « je crois que ce qui a produit le plus de sensations, c'est le passage où j'ai dit que rendre la liberté à Gervais, c'était aviser le vrai coupable que tout fort, tout habile qu'il fût, on finirait bien par lui mettre la main au collet. » Le comte eut un sourire. « Oui, dit-il, c'est un joli passage, très vibrant. » Le juge Duranton, qui avait assisté à cette courte scène, dit vivement à son cousin. « Ah ça, tu es fou, mon ami. Tu n'as pas le droit de dire cela à cet homme, ce n'est pas légal. » Le jeune maître répliqua. « Les avocats ont le droit de tout dire, monsieur le juge. » Surtout la vérité. Peu après, l'arrêt était rendu. Gervais était acquitté à l'unanimité. Le public applaudit. Et l'on vit un spectacle assez rare. Gervais quitta le tribunal soutenu sous les bras, parce qu'il ne pouvait marcher encore, d'un côté par Martin, de l'autre par Lagoulé, les deux gardes-chasse, ses ennemis éternels, ceux qui l'avaient arrêté. Chacun d'eux portait une béquille. La foule fit une ovation au père Gervais et cria « Vive le braconnier! À bas l'assassin !»